Fuite des centaures. Ils fuient, ivres de meurtre et de rébellion, vers le mont escarpé qui garde leur retraite. La peur les précipite. Ils sentent la mort prête et flairent dans la nuit une odeur de lion. Ils franchissent, foulant l'hydre le stélion, ravins, torrents, alliés, sans que rien les arrête. Et déjà, sur le ciel, se dresse au loin la crête de l'Ossa, de l'Olympe, ou du noir Pélion. Parfois, l'un des fuyards de la farouche harde se cabre brusquement, se retourne, regarde, et rejoint d'un seul bond le fraternel bétail. Car il a vu la lune, éblouissante et pleine, allongée derrière eux, suprême épouvantail, la gigantesque horreur de l'ombre herculéenne.